Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Lever ce Dieu ce soir, Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut, Jésus. Nous t'élevons plus haut, Jésus. Nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Est-ce que tu peux élever Jésus avec des paroles? Est-ce que tu peux lui dire combien il mérite d'être élevé? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin que dans son nom tous genoux fléchissent et que tout le monde confesse qu'il est le Seigneur. Ce soir nous l'élevons plus haut. Ce soir nous déclarons qu'il mérite. Il est digne de nos louanges. Il est digne des fruits de nos lèvres. Il est digne d'être élevé au-dessus de toute autorité. Il est digne parce qu'il mérite tout. Il n'est pas digne parce qu'il fait des choses dignes. Mais il est digne parce que dans sa nature il est. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Prends la place du roi, Seigneur. Prends la place du roi, Seigneur. Prends la place du roi, Seigneur. Prends la place qui te revient, Seigneur. Ce soir, nous t'élevons plus haut. Ce soir, nous déclarons que toi seul. Ce soir, nous déclarons que tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Ce soir, nous sommes fiers de t'avoir. Ce soir, nous sommes fiers de t'avoir pour Dieu. Qui d'autre peut nous aimer comme toi? Qui d'autre peut nous aimer comme toi? Le secours qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Les gens peuvent se fatiguer de nous. Mais tu es toujours là pour nous. Les hommes peuvent se fatiguer de nous. Mais toi, tu es toujours là pour nous. Celui qui ne se fatigue pas de nous. Celui qui ne se fatigue pas de nous. Celui qui est toujours prêt à nous tendre la main. Même lorsque tout le monde nous abandonne, il est toujours là pour nous tendre la main. Celui qui est capable d'aller avec nous même dans la fournaise. Celui qui est capable d'aller avec nous même dans la fosse au lion. Alors que lorsque nous nous marions avec les hommes, lorsque nous nous marions à un homme, il dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais toi, tu nous as dit même la mort ne peut jamais nous séparer de ton âme. Même la mort ne peut jamais nous séparer de ton âme. Combien nous sommes fiers de t'avoir pour Dieu. Combien nous sommes comblés de t'avoir pour Dieu. Combien nous sommes heureux de t'avoir pour Dieu. notre amour avec toi ne connaîtra jamais de jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que même après notre mort, tu continues à nous aimer. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour les ciels ouverts encore ce soir. Combien nous avons besoin de toi. Les disciples ont dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Combien nous sommes venus assoiffés de rencontrer le Père. Assoiffés de rencontrer Jésus. Nous avons besoin de te voir. Saint-Esprit, nous voulons que tu glorifies Christ au milieu de nous. Glorifie Christ au milieu de nous encore. Merci de le faire pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut très bien acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se tenir debout? Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Maître de temps et des circonstances, celui qui a toutes choses entre ses mains, celui qui a nos destinées entre ses mains, celui que nous élevons ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons reprendre nos places un moment. Alléluia. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas être distrait ce soir. Parce qu'il y a des choses que Dieu s'est décidé de faire au milieu de vitu Mungu ameamua kutenda miongoni mwetu leo. Il y a des choses que Dieu s'est décidé de faire. Kuna vitu Mungu ameamua kutenda leo. Pendant que je suis en train de parler, ninapongea mali hapa. Il y a un papa qui commençait à avoir des symptômes comme d'AVC. Kuna baba alianza kupooza. Il est même parti à l'hôpital, on lui a dit que ça sont des symptômes de la vie. Alianza kupooza na wakamwambia unaanza pooza kika. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de les guérir. Ninapongea mali hapa Mungu ako namponya. Il y a deux autres personnes. Kuna watu wengine wawili. Ce sont des femmes. Ni wanawake. Elles ont commencé à développer des choses comme des tumeurs. Walianza kuwa na vivimba. Elles sont même parties à l'hôpital, on leur a dit que ça ce sont des tumeurs. Wamekwenda kwenye matibabu wamemwambia hii ni vivimba. Que je suis en train de parler, le Christ vivant qui guérit, Christ allié hai ambaye anaponya. Vous savez, frères et sœurs, le Dieu de la Bible, il est vivant. Mungu wa Biblia yuko hai. Christ est réellement vivant. Christ ako hai. Vous savez, c'est un problème aujourd'hui dans l'église. Ni shida leo ndani ya kanisa. On a facilité à croire en un Jésus mort qu'en un Jésus ressuscité. Tumeraisisha kuaminia Yesu ambaye amekufa kuliko kuaminia Yesu ambaye amefufuka. Je voudrais vous informer que Christ est réellement ressuscité. Na watangazia kwamba Kristo amefufuka. Et la Bible dit après sa résurrection. Na kisha yeye kufufuka. Il a passé 40 jours avec ses disciples. Alifanya siku 40 na wanafunzi. En train de leur montrer le preuve de sa résurrection. Akionesha namna gani kweli amefufuka. S'il est vraiment ressuscité, nous devons voir les preuves de sa résurrection. Kama akika amefufuka inabidi tuone alama za ufufuko. S'il est vraiment ressuscité, kama kweli amefufuka, nous devons voir les preuves de sa résurrection. Tunapaswa ona alama za ufufuko wake. Et ce soir je suis venu nous dire, na leo nimekuja kuambia, que le ressuscité est au milieu de nous. Aliyefufuka yuko miongoni mwetu. Le ressuscité est au milieu de nous. Aliyefufuka yuko miongoni mwetu. Le ressuscité s'est décidé de nous visiter. Aliyefufuka ameamua kututembelea. Est-ce qu'on peut encore acclamer sa présence? Tunaweza kumchapia makofi na vigelegele. Est-ce qu'on peut saluer sa présence? Tunaweza kusalimia uwepo wake miongoni mwetu. Est-ce qu'on peut saluer sa présence? Tunaweza kusalimu uwepo wake. Pendant que nous acclamons, il y a des choses qui se passent. Tunaposhangilia kuna vitu. Est-ce qu'on peut très bien le faire ce soir? Tunaweza chapa makofi mazuri. Oh rabashe kadabash. Il y a des choses qui se passent pendant que nous le faisons. Kuna vitu vinafanyika. Merci Saint-Esprit. A sante rom takatifu. Merci Saint-Esprit. A sante rom takatifu. Merci Jésus. Nous allons reprendre nos places. Tunaweza kukaa. J'aimerais qu'on continue un moment avec la parole de Dieu. Tutendelea kusikia maneno ya Mungu. Sinon on risquera de ne pas enseigner. Tukendelea na hiyo hewa, tunaweza kukata mahubiri hapa. Mais c'est aussi important. Lakini ni ya muhimu pia. Alléluia. Amen. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés hier. Et pour ceux qui n'ont pas été là avec nous hier, nous étions en train de parler de certains obstacles qu'on peut rencontrer sur la route vers une nouvelle cité. Ou une visitation à ciel ouvert. Et nous avons essayé de parler des 5 leçons au travers de la vie de Bartimée. La première leçon, c'était qu'on arrive, on ne peut pas arriver à voir la valeur de ce que nous avons en ayant les regards fixés que sur ce que nous avons. La kwanza, hawezi kuona samani ya kile ulichonacho kama mecho yako inatizamia zaidi vile usivyokuwa navyo. Nous avons dit pour commencer une nouvelle saison dans votre vie. Ili kwamba uanze majira mapya maishani mwako. Dieu ne se servira pas de ce que vous n'avez pas. Mungu atatumikisha kile ambacho hauna. Il se servira de ce que vous avez pour même vous donner ce que vous n'avez pas. Atatumikisha kile ulichonacho ili kwamba akupe kile ambacho hauna. La deuxième leçon c'est l'importance d'une révélation personnelle avec Christ. Somo ya pili ilikuwa ni umuhimu ya kumjua Kristo. Pour arriver à entrer ou accéder à une nouvelle saison. Ili kwamba ufikie majira mapya. Troisième leçon, c'est l'importance de la persévérance pour avoir accès à une nouvelle saison. La quatrième leçon, c'était apprendre à nous débarrasser ou nous dépouiller de tout ce qui nous retarde la marche vers la nouvelle saison. Et la cinquième leçon, c'était apprendre à quitter les prières de besoin pour les prières de transformation. Et nous avons parlé de ce passage merveilleux, psaume 103, verset 7. Tumeongelea Zaburi 103, 107. Là où la Bible dit, il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël et ses voix à Moïse. Biblia inasema, alionesha wana wa Israeli matendo yake, na Musa akamuonesha njia yake. Nous avons dit que deux fois, il faut venir dans la présence de Dieu. Kuna mara inabidi kuja katika uwepo wa Mungu. Pas simplement pour les œuvres, mais pour les voix qui conduisent à ses œuvres. Apana ili kwamba uone matendo yake, lakini ili kwamba ujue njia inayokubeba kwa matendo. Et nous avons commencé à parler de la première voie qui nous conduit à une visitation. Natulianza kongelea njia ya kwanza ambayo inatusukuma kwa kuishi kutembelewa na Mungu. La première voie qui était l'écoute de Dieu. Njia ya kwanza ilikuwa ni kumsikia Mungu. L'écoute de Dieu. Kujua kumsikia Mungu. Et nous avons donné certaines raisons pour lesquelles développer l'écoute de Dieu c'est important pour. Tumepana masababu inaonesha kwamba marangapi ni ya muhimu kujua kumsikia Mungu. Nous avons commencé à break la première raison que nous avons appelée le clé du royaume. Sababu la kwanza inakuwa funguo za mbingu. Nous avons vu que dans le royaume il y a des clés du royaume. Ndani ya mbingu kuna mafunguo zake. Nous avons dit que chaque problème que vous rencontrerez dans la vie a une clé qui correspond à la solution à ces problèmes. Tumesema kila shida ukutayo maishani ina funguo ya kuleta suluhisho. Mais on a dit le travail consiste à trouver la clé dont vous avez besoin parmi les tas de clés du royaume. Jukumu lako ni kujua funguo ni gani miongoni mwa funguo mbalimbali. Nous avons vu que la seule clé dont nous avons besoin n'est pas que la prière. Tumeona kwamba funguo moja ambayo tunahitaji si maombi tu. La prière n'est pas la seule clé parmi les tas de clés du royaume. Maombi sio funguo moja miongoni mwa funguo zingine. Que de fois la clé peut être simplement la louange. Funguo inaweza kuwa sifa. Souvenez-vous de Josué, Kumbukeni Joshua, chapitre 6. Sita. Les enfants d'Israël veulent entrer, ils rencontrent un obstacle, Jéricho. Wana wa Israeli wanatamani kusonga mbele, wanakuta kibambazi. Mais Dieu leur dit, je vais détruire Jéricho sur votre chemin. Mungu anawaambia, nitabomoa Jéricho kwenye njia yenu. Mais n'utilisez pas la prière. N'utilisez pas les armes de guerre. Utilisez la seule arme ou la seule clé qui est la louange. Tumieni si funguo ya sifa. Lorsque vous allez célébrer, munapotukuza, vous aurez la victoire. Mutapata ushindi. Que de fois ce n'est pas prier. Mara nyingi haiko jambo la maombi. C'est juste célébrer Dieu. Ni kumtukuza tu Mungu. Notre maman qui était ici hier pendant que nous étions en train de louer Dieu, louer Dieu ici. Mama yetu ambaye alikuwa hapa mbele wakati tulikuwa tukimsifu Mungu jana. Iko wapi? Maman, pendant que vous étiez en train de danser ici, mama, wakati uliko kicheza hapa, il y a un combat lié à votre parcelle, à la famille que Dieu était en train de résoudre. Kuna vita inayotokana na jamaa yako hapo jana ambao Mungu alikuwa anakushindania. Ce vrai de problème attaché à la parcelle. Nilikuwa na ona shida za kiwanja. Que Dieu était en train de résoudre hier juste au travers de votre célébration. Ambazo Mungu alikuwa na suluhisha hapa ulipokuwa nacheza. Alors cela, frères et sœurs, soyons sensibles dans la présence. Tuwe waangalishi, tuwe na uangalifu katika uwepo wa Mungu. Lorsque tu sens Dieu t'amener à un niveau, fais-le. Unaposikia Mungu anakusukuma kwa jambo fulani, fanya hivyo. Les clés du royaume. Funguo. Mais nous avons dit ce qui nous aide à découvrir la clé dont nous avons besoin parmi les tas de clés du royaume. Inayotusaidia kugundua funguo miongoni C'est ce qu'on appelle le discernement. Ni roho ya upambanuzi. Discernement. Upambanuzi. Et nous avons dit que le discernement, il n'y a pas que discernement des démons dans les discernements. Tumesema karama ya upambanuzi si tu kutambua mapepo. Nous avons commencé premièrement avec ce qu'on appelle le discernement de la volonté de Dieu. Tumeanza kuongelea kwanza upambanuzi wa kujua mapenzi ya Mungu. Là nous avons parlé de Romains 12:2. Tumeongelea wa Roma 12:2. Et puis hier nous nous sommes séparés. Na jana tulitengana. En étant en train de parler du discernement de temps. Tukiongelea kujua kupambanua nyakati. Au discernement des signes de temps. Ama upambanuzi wa alama za nyakati. Et hier, j'étais en train de dire na jana nilikuwa nikisema qu'il y a des choses qui nous aident à bien discerner le temps. Kuna vitu vinatusaidia kupambanua nyakati. Il y a ce qu'on appelle le discernement de temps. Kuna hiyo wanaita upambanuzi wa nyakati. Et nous sommes séparés lorsque je suis en train de parler de ces trois personnes nilikuwa naongelea watu watatu jana qui ont toutes rencontré de lions sur leur chemin. Ambao walikuta masimba njiani mwao. Premièrement, il y a David. Pana Daudi. Deuxièmement, il y a Samson. Pana Samsoni. Et troisièmement, il y a Daniel. Na pana Danieli. David, lorsqu'il rencontre le lion, Daudi akutapo, qu'est-ce qu'il fait simba, du lion? Alifanya nini? Il a déchiré le lion. Alichana Samson, simba. Lorsqu'il rencontre le lion, Samsoni alipokuta simba, qu'est-ce qu'il fait du lion? Alifanya nini? Il a encore déchiré le na lion. Vile vile alichana après simba. Un temps, il a même eu le miel dans le cadavre de ce lion. Na kakula asali na yotoka tumboni mwa iyo simba. Mais Daniel, lorsqu'il retrouve le lion, lakini Danieli alipokuta simba, qu'est-ce qu'il fait? Alifanya nini? Il ne fait rien. Akufanya kitu. Il se calme. Alitulia. Et Dieu va se charger de fermer les gueules na de Mungu mwenyewe akafunga kinywa cha simba. C'est très dangereux d'être David et puis tu t'attends que Dieu commence à fermer les gueules de lion. Ni hatari kama wewe ni Daudi na unasubiri Mungu mwenyewe afunge kinywa cha simba. C'est très dangereux d'être Daniel et puis tu veux commencer à déchirer le lion. Ni hatari kama wewe ni Danieli na uanze kupigana na simba. Qu'est-ce qui t'aide à savoir que ce lion ici je dois le tuer? Nini inakusaidia kujua kwamba hii simba ce lion ici je ne dois pas le tuer. Hii simba sitaiua. Le discernement de temps. Lorsque Esther entre dans le palais royal, Esther alipongea katika nyumba ya mfalme. Mardochée lui dit, ne révèle pas ton identité. Mordekai akamwambia usifunue anwani yako. Ne dis pas de là où tu viens. Usiseme unatokea wapi. Mais il y a un moment la clé qu'il faut utiliser. Kuna mara funguo. C'est la discrétion. Ni kujua kunyamaza kimya. Kimia. Mais il y a d'autres moments de la vie na kuna engine nyakati où la grande erreur de votre vie peut être de garder silence ambapo sur votre identité. Makosa makubwa ni wakati unakaa kimya. La grande erreur de votre vie serait de garder silence sur votre identité. Makosa kubwa yako itakuwa ni kukaa kimya. Alors qu'est-ce qui t'aide à savoir qu'ici je dois parler, ici je ne dois pas parler? Nini itakusaidia kujua wakati ya kusema na wakati ya kukaa kimya? Ça c'est ce qu'on appelle le discernement des signes de temps. Ni hiyo wanaita upambanuzi wa alama za nyakati. Vous savez dans le français c'est pas profond. Ndani ya Kifaransa haiingii kilindini. Le français est très faible et très pauvre dans la richesse. Kifaransa haina maneno ya kinaga. Lorsque vous allez dans l'original grec, unapoingia katika lugha ya Kigiriki, il y a trois mots pour le mot temps. Kuna maneno tatu inayoonesha wakati. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le temps kairos. Kuna wakati wanayoita kairos. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le temps chronos. Ya pili kuna wakati chronos. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle le temps plero. Na ya tatu kuna wakati plero. Le chronos, c'est quel temps? Chronos ni wakati gani? Le chronos, c'est le temps de la montre. Chronos ni wakati wa saa. Ou le temps du calendrier. Ama wakati wa kalenda. Ça, c'est le temps chronos. Hii ni wakati chronos. Mais à part le chronos, zaidi ya chronos, il y a ce qu'on appelle le temps kairos. Kuna wakati wanaoita kairos. Le kairos, ce n'est pas le temps qui dépend de la montre. Kairos ni wakati inayotokana na saa. Le kairos, c'est la saison. Kairos ni majira. C'est la saison. Majira. C'est la saison. Majira. Exode chapitre 12 verset 2. Kutoka 12:2. Exode 12:2. Kutoka 12:2. On peut le lire. Tunaweza kuyasoma. Un passage merveilleux. Verset nzuri. Dieu voudrait faire quitter les enfants d'Israël d'Égypte. Mungu anatamani kutoa wana wa Israeli katika Misri. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Sikia hiyo Biblia inasema. Dieu leur dit. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Mwezi hii itakuwa ya kwanza ya miezi. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Itakuwa miezi ya kwanza ya mwaka. Lorsque Dieu veut faire quitter les enfants d'Israël d'Égypte. Wakati Bwana anatamani kuondoa wana wa Israeli Misri. Frères et sœurs, ce n'était pas en janvier. Haikukua kwa mwezi wa kwanza. Ce n'était pas en janvier. Haikukua kwa mwezi wa kwanza. Ça correspond à ce que nous appelons ici le mois d'avril. Ilikuwa kwa mwezi wa ine. Mais Dieu leur dit. Lakini Mungu anawaambia. Ce que je veux faire au travers de vous. Ambayo atafanya juu yenu. Ça sera tellement grand que l'année va commencer au milieu de l'année. Itakuwa kubwa na mwaka itaanzia pale. Au travers de ce moi Dieu je vais faire. Kupitia yale ambayo mimi nitafanya. Ça c'est le Kairos. Ini muda Kairos. Le calendrier dit que l'année doit commencer en janvier. Kalenda inasema mwaka inaanza kwa Januari. Dieu peut faire pour vous quelque chose en octobre. Mungu anaweza kufanya kitu kwa mwezi wa nane. Qui fera que l'année commence. Nitafanya kwamba mwaka inaanzia hapo. Et ça c'est ce qu'on appelle le Kairos. Na hiyo wanaita Kairos. Le temps Kairos de Dieu. Wakati Kairos le temps de la saison. Wakati wa majira. Qui ne dépend pas du temps de la montre. Hiyo haiambatani na wakati wa saa. Qui ne dépend pas du temps du calendrier. Haitokani na muda wa kalenda. Alors frères et sœurs, lorsque vous vous attendez à Dieu, unapochunga Mungu. Ne voyez pas la montre. Usiangalie saa. Mais allez dans la saison. Wende katika majira. Allez dans la saison. Wende ndani ya majira. Je prie que Dieu crée des choses dans les vies des gens. Naomba Mungu aumbe mambo katika maisha ya watu. Qui feront que l'année commence au milieu de l'année. Itakayofanya kwamba mwaka ianzie katikati. Qui feront que l'année commence même à la fin de l'année. Itakayofanya kwamba mwaka ianzie mwisho ya mwaka. Je prie que Dieu le fasse pour vous dans le nom de Jésus. Naomba Mungu akutendee hiyo kwa jina la Yesu. Alors à part le Kairos. Zaidi ya Kairos. Il y a ce qu'on appelle le temps pléro. Kuna hiyo wanaita wakati pléro. Le temps pléro, c'est le wakati pléro ni gani? Le temps pléro, c'est le temps dans la saison. Wakati pléro ni wakati iliyo ndani ya majira. Vous savez? Najua. Dieu peut vous dire. Mungu anaweza kukwambia. Vous entrez dans la saison du mariage. Unaingia katika majira ya ndoa. Mais ce n'est pas le jour J du mariage. Lakini haijakuwa siku ya ndoa bado. La saison c'est le Kairos. Majira ni Kairos. Mais le jour J c'est le pléro. Lakini hiyo siku inakuwa pléro. Là c'est le temps dans le Kairos. Ni wakati ndani ya Kairos. C'est le temps dans la saison. Ni wakati ndani ya majira. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a dit. Kuna wengi Mungu amewaambia. Je vous amène dans la saison de l'exposition. Na kuingiza katika majira ya kuonekana. Mais plus le jour passe. Siku zinapopita. Ils ont comme impression que Dieu ne les expose pas encore. Ni kama vile Mungu awaoneshe bado kiolela. Vous êtes dans le Kairos. Maana wako na Kairos. Mais il vous faut le pléro. Inabidi vile pléro. Et Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un ce soir. Mungu amenituma kuambia mtu. Je prie avant la fin de cette année. Kabla mwaka hii kuisha. Que ce que Dieu t'a dit. Yale Mungu alikwambia. Et son accomplissement. Itimilike. Que Dieu te fasse quitter le Kairos. Bwana akondoe ndani ya Kairos. Pour le pléro. Na kuingiza ndani ya pléro. Ce soir c'est une soirée prophétique. Jioni ya leo ni ya unabii. Ce soir est une soirée prophétique. Jioni hii ni ya unabii. Le discernement de temps. Upambanuzi wa nyakati. Est-ce que c'est pas ce qui t'a dit que tu entres dans la saison de l'exposition? Que c'est le jour de l'exposition. Si kwa sababu umekwambia umeingia kwa wakati wa kuonekana na watu, ndio utaanza kuonekana bana. Alors c'est le discernement de temps. Ni kujua kupambanua nyakati. Qui t'aide à savoir? Qui t'aide à savoir? Je n'accusais kujua. Et si j'entre dans le Kairos? Naingia ndani ya Kairos? Je suis entré dans le pléro. Naingia hapa ndani ya pléro. Le discernement de temps. Upambanuzi wa nyakati. À part le discernement de temps. Zaidi ya upambanuzi wa nyakati. Frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle le discernement des choses les meilleures. Kuna hiyo wanaita upambanuzi wa vitu vizuri. Discernement des choses les meilleures. Kujua kupambanua vitu vizuri. Philippiens chapitre 1 verset 9 à 10. Wa Filipo moja kenda hadi 10. Philippiens 1 9 à 10. Wa Filipo tisa. Paul est en train de faire une prière pour l'église de Philippe. Paulo ako naombea kanisa la Filipo. Écoutons cette prière merveilleuse qu'il est en train de tusikie faire. Tusikie maombi ambayo anafanya. Philippiens 1, 9 à 10. La Bible dit, est-ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et puis écoutez le verset 10. Pour les discernements de choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Il existe ce qu'on appelle dans le discernement. Ndani ya upambanuzi kuna hiyo wanaita. Le discernement de choses les meilleures. Kupambanua wa vitu vizuri. Le discernement de choses les meilleures. Kupambanua vitu vizuri. Toute chose n'est pas le meilleur. Kila kitu si nzuri. Le discernement de choses les meilleures. Kujua kupambanua vizuri. Je le donne un exemple pour que nous puissions comprendre. Na wapatia mfano. Actes chapitre 16. Matendo ya mitume 16. Paul et Silas, Paulo na Sila, on les place dans la prison. Wanawaweka ndani ya jela. Pendant qu'ils sont dans la prison, wanapokuwa ndani ya jela, ils commencent à célébrer Dieu. Wanaanza kumtukuza Mungu. Ils célèbrent Dieu dans la prison. Wanatukuza Mungu ndani ya jela. Et la Bible dit, le fondement de la prison fut ébranlé. Misingi ya jela ikatetemeka. Et lorsque les fondements sont ébranlés, wakati misingi imetetemeka, les chaînes tombent sur leurs mains. Ma minyororo ikakatika mikononi. Le porte s'ouvre, les chaînes tombent sur leurs mains. Milango ikafunguka. La question c'est quelle corrélation il y a entre les chaînes sur le main Swali ni kwamba kuna nini inaunganisha et les fondements. Misingi na minyororo. Ils célèbrent Dieu. Wanatukuza Mungu. Le fondement s'ébranle. Misingi natetemeka. Parce que Dieu est descendu. Sababu Mungu ameshuka. Vous savez, lorsque vous allez dans Acte 12, ndani ya Matendo ya Mitume 12, Pierre est dans la prison. Petro ako ndani ya jela. Bible dit l'église ne cessait de faire de prières à Dieu pour Pierre. Biblia inasema kanisa lilikuwa namuombea kila mara Petro. Lorsque l'église a prié pour Pierre, qu'est-ce que Dieu a fait? Wakati kanisa liliombea Petro, Mungu akafanya nini? Dieu a envoyé un ange. Mungu akatuma malaika. L'ange vient. Malaika akashuka. Il fait quitter Pierre de la prison. Akamondoa Petro ndani ya jela. Lorsqu'on a prié pour Pierre. Walipombea Petro. Lorsque l'église a intercédé pour Pierre. Kanisa ilipombea Petro. Dieu a envoyé un ange. Mungu alituma malaika. Mais lorsque ces gens ici louent Dieu. Dieu n'envoie pas un ange. Mungu akutuma malaika. Dieu descend lui-même. Mungu alishuka mwenyewe. Il descend lui-même. Alishuka mwenyewe. Et puis la Bible dit. Na Biblia inasema. Lorsque les portes de la prison s'ouvrent. Wakati malango ya jela yalifunguka. Les chaînes tombent sur leurs mains. Minyororo ikaanguka mikononi mwao. Quelque chose m'étonne. Kitu moja inanishangaza. Paul et Silas. Paulo na Sila. Ils restent là assis. Wakabaki wanakaa. Si c'était toi. Kama ingelikuwa wewe. Ou moi. Ama mimi. Je suis dans la prison. Niko ndani ya jela. Prisonnier. Mfungwa. J'ai loué Dieu. Nimemtukuza Mungu. J'ai fait un miracle. Bwana amefanya muujiza. La porte s'ouvre. Mlango unafunguka. Qu'est-ce que tu vas faire? Utafanya nini? Je vais fuir. Sindakimbia. Zala na mbamba. Ne fuis pas. Lakini Petro akimbia. Il reste là. Paulo akimbia na baki. Ça c'est ce qu'on appelle io, le discernement de choses les meilleures. Kujua kupambanua mambo mazuri. Parce que si Paul et Silas fuient, kama Paulo na Sila wangekimbia, le geôlier ne sera pas sauvé. Yule mlindaji asingeliokoka. Le geôlier ne va pas être sauvé. Yule mchungaji asingeliokoka. Le geôlier il était en train de garder la prison. Yule mlinzi alichunga jela. Et lorsqu'il se réveille, anapoamka, il réalise que les portes sont ouvertes. Anaona malango yote yako wazi. Il prend l'épée, il veut se tuer. Anachukua kisu. Il veut se tuer parce que le sort de ces gens va retomber sur eux. Sababu azabu ingelianguka juu yake. Mais pendant qu'il veut se tuer, anapotamani kujiua, il entend Paul dans la prison dire. Anasikia Paulo ndani ya jela. Non, ne te tue pas, nous sommes encore. Pana kujiua tuko hapa. Ah, Paul. Paulo, comment la porte s'ouvre? Namna gani mulango unafunguka? Tu restes là. Wewe unabaki hapa. Non, nous sommes encore là. Ijapokuwa tuko hapo. Et puis écoutez ce qu'il lui dit. Sikia hiyo anamwambia. Que dois-je faire? Nifanye nini pour mtu wa Mungu ili kwamba niokolewe. Et dans l'original grec, na ndani ya lugha ya Kigiriki, le sauvé que lui est en train de dire là-bas, wokovu ambao anasema, ce n'est pas sauvé du salut. Haiko wokovu ya wokovu. C'est sauvé de cette situation dans laquelle je suis. Ni kuokolewa ndani ya shida ambayo iko ndani. Et puis écoutez ce que Paul lui dit au verset 31. Acte 16, 31. Verset ya 31. Il dit, crois au Seigneur Jésus. Anamwambia amini Yesu. Et tu seras sauvé toi et ta famille. Na utaokolewa wewe na jamaa yako. Le discernement de choses les meilleures. Upambanuzi wa mambo mazuri. Est-ce qui te permet de rester dans la prison lorsque la porte s'ouvre? Inakusaidia ubaki ndani ya jela hata kama milango imefunguka. Parce que tu comprends que la porte ne s'est pas ouverte pour que je fuis. Utelewa kwamba milango kufunguka ili kwamba nikimbie. Si je fuis, le geôlier et sa famille ne seront pas sauvés. Nikakimbia huyo mlinzi ataokoka na jamaa yake. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un. Namwambia mtu. Il y a des portes que tu rencontreras ouvertes dans ta vie. Kuna milango takuti imefunguka mbele zako. Pas pour que toi tu passes. Hapana ili kwamba wapite. Mais pour laisser les autres passer. Ili kwamba kokote wengine wapite. Pour laisser les autres passer. Ili kwamba wache wengine wapite. Mais lorsque tu n'as pas le discernement de choses les meilleures. Kama hauna upambanuzi wa mambo mazuri. C'est là que tu vas essayer de te faufiler là où Dieu ne te veut pas. Ni hapo utajikazakaza pale ambapo Mungu hakutaki. Dieu a permis que tu crois cette opportunité là. Mungu ameruhusu upate hiyo fursa. Pas pour toi mais pour laisser les autres apana passer. Hapana juu yako lakini ili kwamba wengine wapitie hapo. Moi mon domaine. Mimi kazi yangu. Mon domaine. Kazi yangu. C'est la Bible. Ni Biblia. Ce n'est pas la photographie. Aiko kuchukua picha. Alors si je rencontre une opportunité dans la photographie. Nikapata fursa ya picha. On a besoin d'un photographe professionnel. Wanahitaji mtu wa picha anayejua kazi. Ce n'est pas là que je vais commencer à aller chercher les formations en photographie et tout ça. Si kwa hiyo wakati ndio naweza kutafuta hiyo kujua kama ta picha. Je comprends que Dieu a permis que je croise cette porte là. Naelewa kwamba Mungu ameruhusu nikute mlango hiyo. Pas pour que j'entre mais pour laisser les autres entrer. Hapana ili kwamba niingie lakini ili kwamba niraisishe wengine waingie. Ça c'est le discernement de choses les meilleures. Ni upambanuzi wa vitu vizuri. Discernement de choses les meilleures. Upambanuzi wa vitu vizuri. La porte s'ouvre. Mulango nafunguka. Mais Paul ne part pas. Lakini Paulo aende. Il reste assis. Anakaa chini. Regardez cet homme m'étonne. Tizama huyu mtu. Notre Sauveur Jésus. Mokozi wetu Yesu. Dans Jean chapitre 4. Ndani ya Yohana 4. Il veut apporter tout un réveil dans la Samarie. Anatamani kuleta uamsho. Il veut voir tout le monde venir à lui. Anatamani watu wote waje kwake. Un grand réveil arrivé en Samarie. Uamsho kubwa pa Samaria. Mais il veut apporter le réveil dans la Samarie. Anatamani kuleta uamsho pa Samaria. Quelle est sa stratégie? Mbinu yake ni gani? Il va se tenir au puits. Anakwenda kwenye kisima. Il est pour amener le réveil dans la Samarie. Ili kwamba nilete uamsho wa kiroho pa Samaria. Si c'était toi, il fallait aller en Samarie. Kama ingelikuwa ni wewe unatamani kwenda Samaria. Il va au puits. Yeye anakwenda kwa kisima. Et il se met là-bas. Na nakaa hapo. Seigneur, quel est le projet que tu as ici? Bwana muradi gani ulionayo mahali hapa? Je vais amener un réveil en Samarie. Natamani kuleta uamsho pa Samaria. En Samarie. Je auko pa Samaria. Il faut aller en Samarie. Wende ndani ya Samaria. Le discernement des choses les meilleures. Upambanuzi wa vitu vizuri. C'est être ici parce qu'ici je vais croiser quelqu'un qui va apporter le réveil. Nikuwa hapa sababu hapa nitapata mtu ambaye ataleta uamsho huko. Si je gagne simplement cette femme samaritaine. Nikamkomboa huyo mwanamke msamaria. J'aurai gagné toute la Samarie. Nitakomboa Samaria nzima. Discernement des choses les meilleures. Upambanuzi wa vitu vizuri. Et comment arriver à ça? Namna gani utafikia kwa hiyo? C'est au travers de l'écoute de Dieu. Ni kupitia kujua kumsikia Mungu. Sans écoute de Dieu, pasipo kujua kumsikia Mungu, il n'y a pas de discernement. Hakuna upambanuzi. Vous voyez combien l'écoute de Dieu nous est importante? Unaona mara ngapi kujua kumsikia Mungu ni ya muhimu? La deuxième raison pour laquelle l'écoute de Dieu nous est importante. Sababu ya pili inaonyesha kwamba kumsikia Mungu ni ya muhimu. Après la première raison qui était les clés du royaume. Kisha sababu ya kwanza ambayo ilikuwa ni funguo za mbingu. Et tout ce que nous étions en train de dire c'est en fonction de clés du royaume. Na yote ambayo tumeongelea inaambatana na funguo za mbingu. La deuxième raison pour laquelle l'écoute de Dieu nous est importante. Sababu ya pili inaonyesha kwamba kumsikia Mungu ni ya muhimu. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de l'importance de l'écoute de Dieu pour accéder à une saison à ciel ouvert. Tuko naongelea umuhimu wa kumsikia Mungu ili kwamba ufikie utembee chini ya mbingu iliyofunguliwa. La deuxième raison, sababu ya pili, c'est que l'écoute de Dieu nous aide à prier avec précision. Kusikia Mungu inatusaidia tuombe na uhakika wote. L'écoute de Dieu, kumsikia Mungu, nous aide à prier avec précision. Kuna tusaidia tuombe na uhakika. Frères et sœurs, kaka na dada, il n'y a pas de prière inefficace comme prier sans précision. Hakuna maombi mubaya sa vile kuomba pasipo uhakika wote. 1 Corinthiens chapitre 12, wa Korinto wa kwanza 12, verset 8 à 10, verse yake ya 8 hadi 10. La Bible est en train de parler des dons spirituels. Biblia inaongelea karama za kiroho. Mais il n'y a pas de dons spirituels que dans ce passage. Hakuna karama za kiroho nje ya verse hii. Il n'y a pas que dans ce passage. Si ndani ya verse hii, il y a aussi dans d'autres endroits dans la Bible. Ndani ya verse zingine wanaongelea. Mais précisément ici, lorsque Paul parle, lakini Petro ana Paulo anapongea. Il donne le don spirituel qu'on catégorise en trois groupes. Anaonesha viwango tatu vya karama za kiroho. Premièrement, le don vocaux. Karama za sauti. Les dons de révélation. Karama za ufunuo. Et les dons de puissance. Na karama za nguvu. Et puis, vous allez remarquer quelque chose. Tatambua kitu moja. Avant d'aller au don de puissance, kabla afikie karama za nguvu, on a d'abord cité les dons de révélation. Wamezungumzia karama ya ufunuo. Parce que ce qui vous aide à fonctionner dans la puissance, iyo inakusaidia utembee ndani ya nguvu, c'est la révélation. Ni ufunuo. Tu ne peux pas accéder à la puissance sans révélation. Huwezi kufikia kwa nguvu pasipo ufunuo. Ça fait des fois mal. Ina kwaka ya kuluma. Voir des intercesseurs chasser un démon. Unapona waombaji wanafukuza pepo. Ils chassent les démons. Wanafukuza pepo. Jusqu'à ce que la voix des intercesseurs parle. Hadi mpaka sauti na katika. La voix du démoniaque est intacte. Sauti ya mwenye mapepo inabakia pale pale. Sors. Toka. Je ne sors pas. Sita toka. Sors. Toka. Parce que tu as tellement prié. Sababu umeomba sana. Il n'y a même pas de résultat. Na kuna matokeo. Que ta voix est affectée. Na sauti yako inakatika. Mais le problème, tu es en train de chasser. Tu chasses quoi? Uko unafukuza nini? Tu chasses quoi? Unafukuza nini? Sans révélation. Pasipo ufunuo. Il n'y a pas aller loin dans la puissance. Sans révélation, il n'y a pas aller loin dans vivre sous un ciel ouvert. Voir notre Seigneur Jésus. Yesu Christo Bwana wetu. Marc chapitre 7. Dania Marco Saba. Verset 31 à 35. Makumi tatu na moja adi makumi tatu na tano. Marc 7. Marco Saba. 31 à 35. La Bible dit, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. On amène ce sourd vers Jésus. Et on le prie de lui imposer les mains. Donc, lorsque ces gens étaient en train d'amener ce sourd, ils lui disaient, il va simplement t'imposer les mains, tu seras guéri. Verset 33. Il le prit à part loin de la foule. Lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Voilà le verset 34. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. On amène cet homme vers Jésus. On dit, si tu lui touches simplement, si tu lui imposes le main, il sera guéri. Mais Jésus prend cette personne loin de la foule pour l'amener à comprendre que tout ce que tu connais sur Dieu n'est pas ce que Dieu sait faire. Tout ce que tu as entendu sur Dieu n'est pas tout ce que Dieu sait faire. Et puis, lorsqu'il est là avec Jésus, regardez la stratégie de Jésus. Il a affaire aux oreilles. Ana shida ya masikio huyo mtu. Il touche ses oreilles. Anagusa sikio lake. Il touche sa langue. Anagusa. Et puis il soupire vers le ciel. Kisha anapuliza juu mbinguni. Et puis écoutez ce qu'il est en train de dire. Sikia hiyo hapo anasema. Ephphatha. Ephphatha. Qui signifie ouvre-toi. Inamaanisha funguka. Il ne parle pas aux oreilles. Aongee na masikio. Parce que s'il parlait aux oreilles, angeliongea na masikio. Il allait dire ouvrez-vous. Mais il est en train de parler au ciel. Lakini anongea na mbingu. Il sait que lorsque les cieux me sont ouverts, wakati mbingu inafunguka, les oreilles aussi le seront. Na masikio pia itafunguka. Lorsque les cieux me sont ouverts, wakati mbingu zinafunguka, les oreilles aussi le seront. Masikio pia itafunguka. La stratégie de Jésus. Mbinu ya Yesu. Il dit pour que les oreilles s'ouvrent. Ili kwamba masikio ifunguke. Il faut d'abord que les cieux s'ouvrent. Inabidi kwanza si j'ai un ciel ouvert, kama mbingu inafunguka, les oreilles ne résisteront. Masikio haitakataa kufunguka. La révélation. Ufunuo. Un jour, les gens s'étonnent. Siku moja watu wanashangaa. Ils voient tout ce que Jésus est en train de faire. Wanaona mastajabu ambayo Yesu anafanya. Ils voient l'impact de son ministère. Wanaona mambo makubwa. Ils disent à Jésus, mais Jésus, dis-nous ton secret. Wanaambia Yesu, tu ton secret là, c'est quoi? Siri yako ni gani? Et Jésus est en train de leur répondre. Na Yesu anawajibu. Dans Jean 5, ndani ya Yohana 5, 17 à 20, 17 hadi 12. Jean 5, Yohana 5, 17 à 20, 17 hadi 12. Écoutons ce que Jésus est en train de dire. Tusikie jibu ambayo Yesu anawapa. Bizarre. Ya kutisha. Il dit, mais Jésus leur répondit. Yesu akawajibu. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Baba yangu anatenda jilo na mimi pia natenda. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Kwa ajili ya hiyo Wayahudi wakatamani kumuua tena. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Hapana kwa sababu alipita kando ya sabato. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre père. Sababu aliita Mungu baba yake. Se faisant lui-même égal à Dieu. Anapojilinganisha na Mungu. Jésus reprit donc la parole et leur dit. Yesu akachukua neno na kusema. Écoutez ça. En vérité, je vous l'ai dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mwana hawezi fanya kitu peke yake. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Anafanya kile ambacho anaona baba kifanya. Et tout ce que le Père fait, na yote ambayo baba anafanya, le Fils aussi le fait pareillement. Mwana naye anaifanya vile car vile. Le Père aime le Fils. Sababu baba anapenda mwana. Et lui montre tout ce qu'il fait. Na anamuonesha yote ambayo anafanya. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Na atafanya tena zaidi matendo kushinda haya. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Ili kwamba mubaki mkishtuka. On demande à Jésus ton secret, c'est quoi? Jésus est en train de répondre. Yesu anajibu. Et il leur dit, anawambia, mon secret à moi, siri yangu mimi, c'est que tout ce que je fais, yote ambayo nafanya, je vois le Père le faire. Naona baba akiyafanya. Et je prends seulement soin de faire ce que j'ai vu le Père. Na najitahidi kufanya yale ambayo baba anafanya. Et j'ai les résultats au niveau de Dieu. Na ninaona matokeo kulingana na ngazi la Mungu mwenyewe. La direction de Dieu. Mwelekezo wa Mungu. la révélation de Dieu pour arriver à vivre la puissance de Dieu. Vous verrez toutes les fois que Jésus agissait avant de commencer à faire un miracle, il commençait d'abord par créer l'atmosphère du miracle. Il existe ce qu'on appelle l'atmosphère du miracle. C'est comme ce soir, il y a une grande atmosphère de miracle. Lorsque l'atmosphère de miracle est là, vous n'avez pas besoin même qu'on vous impose les mains. Parce que la main de Dieu est déjà en train d'agir. Il arrive à un endroit. On l'appelle ressuscité un mort. Et il rentre, il entre, il trouve des gens qui sont en train de se moquer. Et il dit non, non, cet enfant ici n'est pas mort. Anasema huyu mtoto wa kukufa. Et les gens commencent à rire. Na watu wanaanza cheka. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit parents. Anaambia wazazi, cherchez ces gens ici. Mufukuze wa watu wote. Parce que ces gens ici ne sont pas propices à l'atmosphère du miracle. Awa watu hawaambatani na hewa ya miujiza. Avant d'agir, il prenait soin de d'abord commencer par créer l'atmosphère du miracle. Kabla atende alianza kwanza kuumba hewa ya miujiza. Frères et sœurs, lorsque l'atmosphère de miracle est là, wakati hewa ya miujiza iko, il ne faut pas attendre, vous attendre aux gens, mais s'attendre à Dieu. Usiangalie sana watu lakini ona Mungu zaidi. Voilà pourquoi nous avons besoin des membres de la chorale qui sont oints par Dieu. Vous savez, la Bible dit lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera plusieurs vers lui. Lorsque le Fils de l'homme est élevé, il y a automatiquement des choses qui se passent sans même que vous puissiez prier. À part l'atmosphère de miracle, la deuxième étape, il cherchait la direction de Dieu. Alikuwa kitafuta mwelekezo wa Mungu. La direction de Dieu. Mwelekezo wa Mungu. Vous verrez que Jésus ne travaillait pas par expérience. Yesu akutumika juu ya historia ya kazi amefanya. Il n'arrivait pas, il regarde un malade. Akufika na kuanza ona mgonjwa. Il dit, j'avais rencontré un autre cas comme ça. Anasema nilikutaka mwingine wa namna hii. J'avais fait ça. Nilifanyaka hivi. Mais à chaque problème qu'il rencontre, kwa kila shida aliyokuta, il y a une direction particulière de Dieu qu'il cherche. Pana mwelekezo pekee ambao Mungu alimopa. Sans écoute de Dieu, pasipo kujua kusikia Mungu. Frères et sœurs, nous n'allons pas vivre le ciel ouvert. Hatuwezi kuishi mbingu inayofunguliwa. Parce que le ciel ouvert nous aide à faire de prières avec précision. Mbingu inayofunguliwa inatusaidia kuomba na hakika. Tu chasses quoi? Unafukuza nini? Tu lis quoi? Unasoma nini? Tu envoies le feu où? Unatuma moto wapi? On raconte l'histoire de cet homme. Wanaongelea historia ya mtu huyo. Qui est dans sa maison? Iko ndani ya nyumba yake. Dans le noir? Ndani ya giza. Du coup, il y a des voleurs qui entrent. Kwa ghafla mabandia wanakuja. Ils entrent dans la maison. Wanaingia katika nyumba. Et il entend qu'il y a vraiment des gens qui sont entrés. Anasikia kwamba kuna watu wanaingia. Il a tellement peur. Anaogopa. Il a pris une machette, a commencé à faire passer ça sur le sol. Akaanza pitisha kuinoa. Vous là, je vous vois. Ningi niko na waona. Je vous vois. Nina waona. Je vais vous exterminer. Nitawakatakata. Alors que le voleur était derrière lui. Ijepokuwa mwizi iko pa nyuma yake. Ouais, dit mais celui-ci ici, je vais juste le tranger. Mwizi iko na jiambia, si huyu mtu ndamu kwedusha. Tu envoies des coups. Uko natuma piga mangumi wapi? Je dis, il n'y a pas inefficace comme prier sans précision. Hakuna maombi mubaya sa vile kuomba pasipo uhakika wa mambo. Alors l'écoute de Dieu nous aide à prier avec précision. Kujua kusikia Mungu inatusaidia tuombe na uhakika wote. La troisième raison pour laquelle c'est pour nous important de développer l'écoute de Dieu. Sababu ya tatu inayofanya kwamba tujifunze kumsikia Mungu. Pour vivre un ciel ouvert. Ili kwamba tuishi mbingu iliyofunguliwa. C'est que l'écoute de Dieu nous aide à faire des prières inspirées. Kusikia Mungu inatusaidia tuombe tufanye maombi inayokuwa na ufunuo. L'écoute de Dieu nous aide à faire des prières inspirées. Kusikia Mungu inatusaidia tufanye maombi ya ufunuo. Ephésiens chapitre 6 verset 18. Waefeso 6:18. Ephésiens 6:18. Waefeso 6:18. Écoutons ce que Paul est en train de dire à ces chrétiens d'Éphèse. Sikia kisi Paulo anasema. Il dit faites en tout temps par l'esprit. Anasema mufanye kila kitu katika roho. Toutes sortes de prières et de supplications. Aina yote ya maombi na kusii. Veillez à cela avec une entière persévérance. Mukeshe na kudumu katika hiyo. Et priez pour tous les saints. Na muombe watakatifu wote. Faites par l'esprit mufanye katika roho toutes sortes de prières et de supplications. Aina yote ya maombi na kusii. Il ne dit pas simplement faites toutes prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Aseme mufanye aina yote ya maombi na kusii. Mais il dit faites par l'esprit. Lakini anasema mufanye katika roho. Toutes sortes de prières et de supplications. Aina yote ya maombi na kusii. Frère, la plus grande dimension de la prière. Gazi kubwa ya maombi. C'est lorsqu'on apprend à laisser l'esprit prier. Ni wakati tunafikiria kuacha roho iombe ndani mwetu. L'esprit prie en nous. Roho kuomba ndani mwetu. Malheureusement pour la plupart de chrétiens. Ole ni kwamba kwa Wakristo wengi. Ils n'ont pas appris à développer l'écoute de Dieu dans la prière. Hawakujifunza kumsikia Mungu wanapoomba. Prier ce n'est pas parler à Dieu. Kuomba si kuongea na Mungu. Prier c'est parler avec Dieu. Kuomba ni kuongelesha Mungu naye anaongea nawe. Et l'impact dans la prière. Matokeo makubwa katika maombi. Ne se mesure pas par ce que tu dis à Dieu lorsque tu pries. Si hiyo ambayo wewe unaongea na Mungu unapoomba. Mais parce que Dieu te dit lorsque tu pries. Lakini kwa yale ambayo Mungu anakuambia unapoomba. Mais combien de gens ils ont appris à développer l'écoute de Dieu dans la prière. Wangapi wamejifunza kusikia Mungu anapoomba. Il est fait par l'esprit. Anasema mufanye kupitia roho. Toutes sortes de prières et de supplications. Aina yote ya maombi na kusii. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de prier pour quelque chose? Imewafikia kuombea kitu fulani. Tu es en train de prier pour mariage. Uko naombea ndoa? Mariage. Ndoa? Mariage. Doa. Mais plus tu progresses dans cette prière, zaidi unakazana na hiyo maombi, tu as comme l'impression que Dieu est en train de t'amener à prier pour la colère qui est en toi. Ni kama jinsi Mungu yuko nakusukuma ukemee hasira iliyo ndani mwako. Parce que Dieu te dit si tu as la colère en toi, ça sera même un obstacle pour ton mariage. Sababu Mungu yuko nakwambia ukiwa na hasira itakuwa kizuizo kwa ndoa yako. Ou tu commences à prier. Uko naomba. Tu commences à prier. Unaomba. Tu te dis je vais demander à Dieu l'onction. Seigneur, l'onction. Mais pendant que tu pries, tu vois l'image du papa qui ne te quitte jamais. L'image de papa te revient encore. Ça te revient encore. Dieu est en train de te dire ce qui est important maintenant, ce n'est pas ce que tu as comme besoin là. L'esprit veut que tu pries pour papa. Mais combien de gens ils ont développé l'écoute de Dieu dans la prière? Wangapi wamekomalisha kujua kusikia Mungu wanapoomba? Frère, l'esprit c'est ce dont nous avons besoin. Roho anajua yale ambayo tunahitaji. Et l'esprit c'est des fois que pour accéder à une nouvelle saison. Na roho anajua ni kwamba tufikie majina mapya. Il faut quelque chose. Inabidi kitu fulani. Et plus ils seront en train de prier. Zaidi unaomba. L'esprit se charge d'amener ce dont tu as réellement besoin. Roho atakuwa analeta kile ambacho unahitaji. Mais plusieurs personnes. Watu wengi. Ce sont nos requêtes qui nous conduisent. Wanaombea tu ni mahitaji zao. Mais amenons l'esprit, laissons l'esprit prier en nous. Tuache roho aombe ndani mwetu. Jésus va en prière un jour. Yesu anakwenda katika maombi. Dans le jardin de Gethsemane. Katika Gethsemane. Sa requête, itaji lake, c'est que cette coupe soit ôtée de moi. Ni kwamba kikombe hiki kiondoke mbele zangu. Que cette coupe soit ôtée de moi. Kikombe hiki kiondoke mbele zangu. Mais plus il progresse dans la prière. Zaidi anaomba. Il arrive à un niveau. Anafikia ngazi moja. Où il dit, anajiambia, non pas ma volonté, mapenzi yangu zifanyike, mais que ta volonté soit faite. Lakini mapenzi yako ndio yafanyike. Dans la plus grande dimension de la prière, ngazi kubwa ya maombi, n'est pas lorsque tu vas avec des requêtes dans la présence de si Dieu. Si wakati unakuja na mahitaji mingi mbele za Mungu. Mais c'est lorsque la présence de Dieu te fait changer des requêtes dans sa présence. Ni wakati uwepo wa Mungu unakupa mwelekezo mpya. Lorsque la présence de Dieu te fait changer des requêtes dans sa présence. Wakati uwepo wa Mungu unakupa mwelekezo mpya wa mahitaji. Ma requête, c'est que cette coupe soit ôtée de moi. Mais plus il progresse dans la prière, il arrive à un niveau, il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit. Apprendre à laisser l'esprit prier en nous. Pour faire des prières inspirées. Prières inspirées. Quatrième raison pour laquelle c'est pour nous important de développer l'écoute de Dieu pour vivre une visitation à ciel ouvert, c'est que l'écoute de Dieu nous aide à nous mouvoir en Dieu. L'écoute de Dieu nous aide à nous mouvoir en Dieu. Actes chapitre 17, verset 28. Matendo ya mitume 17, 28. Actes 17, 28. Matendo ya mitume 17, 28. Écrivez aussi Actes 16, 5 à 10. Matendo ya mitume 16, 5 à 10. Actes 16, 5 à 10. Matendo ya mitume 16, 5 à 10. Et Actes 17, 28. Na matendo ya mitume 17, 28. Écoutez ce que Paul est en train de dire aux gens d'Athènes. Ce qui a eu Paul en ambiant watu wa Athènes. Dans Actes 17, 28. Dania matendo mitume 17, 28. Il dit car en lui, c'est-à-dire en Dieu. Maana ndani mwake. Nous avons un la vie. Tuna uzima. Deux le mouvement. Kutembea. Et l'être. Na kuwa. En lui. Ndani mwake. Nous avons la vie. Tuna uzima. Le mouvement. Kutembea. Et l'être. Na kuwa. Lorsque Christ entre dans notre vie, wakati Kristo anaingia maishani mwetu, il ne veut pas qu'on se limite à vivre en lui. Apendi tuishi ndani mwake. Il veut qu'on arrive à un niveau où nous allons nous mouvoir en lui. Anapenda tufikie kwa ngazi la kutembea tembea ndani mwake. La kuogelea ndani mwake. Savez plusieurs fois, mara nyingi, nous avons de mauvaises raisons pour lesquelles nous donnons nos vies à Christ. Tunakuwaka na sababu mbaya zinazotusukuma tupatie Yesu maisha yetu. Et la plupart de fois c'est à cause de nous prédicateurs. Mara nyingi ni sisi wahubiri ndio tunawapatia hiyo ushabiki. Là on vous dira, tunapowaambia, vous devez donner vos vies à Christ. Patieni Yesu maisha. Si un avion tombe maintenant sur tout le monde ici. Kama ndege ingelangukia watu wote hapa. Où est-ce que tu vas aller? Wapi utakwenda? Si tu étais en train de rentrer en cours de route, kama ulikuwa unatembea kwenye pikipiki. Le véhicule te cogne. Gari na kugonga. Tu meurs. Unakufa. Où est-ce que tu vas aller? Utaenda wapi? Si tu as besoin de donner ta vie à Christ. Unahitaji kupata Yesu maisha yako. Et puis la personne lorsqu'elle rentre à la maison. Huyu mtu anaporudi nyumbani. Elle réalise qu'on ne l'a pas connu. Anaona kama jinsi hawakumgonga. Elle est arrivée. Amefika. Demain encore. Kesho tena. On la cogne pas. Hawakumgonga. Elle rentre encore. Anarudia. Donc on peut vivre sans Christ. Akasema anajiambia kwa mwisho naweza kuishi bila Kristo. Nous ne donnons pas nos vies à Christ d'abord par peur de l'enfer. Atupatie Yesu maisha yetu juu tunaogopa jehanamu. Nous donnons nos vies à Christ parce qu'il est la vie. Tunapatia maisha yetu Yesu sababu yeye ni uzima. En dehors de lui il n'y a pas d'autre vie. Nje yake hakuna uzima. Jean 14, 6, Christ est en train Yohana de dire. Yohana 14, 6, Christ est en train de dire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mimi ni njia kweli na uzima. Remarquez, il n'a pas dit je suis un chemin, une vérité, une vie. Akusema mimi ni njia moja, uzima moja na uzima. Il utilise ce qu'on appelle l'article défini. Anatumikisha hiyo wanaita article défini. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Anahakikisha kwamba yeye ni njia kweli na uzima. Le seul chemin dont nous avons besoin pour accéder au Père. Njia moja ambayo tunahitaji ni kwamba tukutane na Baba ni Kristo. La seule vie qui est digne d'être appelée vie. Uzima moja inayostahili kuitwa uzima. C'est la vie en Christ. Ni uzima ndani ya Kristo. Je vais dire à quelqu'un. Namwambia mtu. Si tu n'as pas encore Christ dans ta vie. Kama hauna Kristo maishani mwako. Vie là, ce n'est pas la vie. La vraie vie digne d'être appelée uzima unaostahili. C'est la vie en Christ. Ni uzima katika Kristo. Dis, je suis la vérité. Anasema niko kweli. La seule vérité se Christ. Ukweli moja ni Kristo. Frère avec Dieu. Pamoja na Mungu. Ce n'est pas tout chemin mène à Dieu. Si kila njia inabeba kwa Mungu. Non non. Apana. Parce qu'avec Dieu. Pamoja na Mungu. Ce n'est pas question de la sincérité. Aiko jambo la ukamilifu. C'est question de la vérité. Ni jambo la ukweli. Il est en train de parler à la femme samaritaine. Anaongea na mwanamke msamaria. Et dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Wakati unakuja na umeshakuja. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Waabudu wa kweli wataabudu Mungu kwa roho na kweli. Il n'a pas dit ils adoreront le Père en esprit avec sincérité. Akusema wataabudu Mungu kwa roho na uaminifu. Parce que tu peux être très sincère en étant sincèrement faux. Waweza kuwa mwaminifu na mwaminifu katika mabaya. Tu peux adorer sincèrement Mahomet. Unaweza kuabudu na uaminifu Mahomet. Mahomet va t'amener au ciel. Ukisema kwamba Mahomet atakubeba mbinguni. Cette sincérité ne te servira à rien. Hiyo uaminifu haitakusaidia kwa kitu. Tu as besoin de la vérité. La vérité se Christ. Ukweli ni Yesu. La vérité se Christ. Ukweli ni Yesu. Et nous venons à Christ. Tunakuja kwa Yesu. D'abord parce que nous avons compris que c'est lui. Sababu tumeelewa kwamba ni yeye uzima. En dehors de lui il y a pas d'autre vie. Nje yake hakuna uzima. Hakuna uzima. C'est en lui qu'il y a la vie. Ni ndani mwake pana uzima. Et dit en Dieu nous avons la vie. Anasema ndani ya Mungu tuna uzima. Pas seulement la vie. Hapana uzima. Le mouvement kuna kuingia kutembea. Et l'être. nakuwa. Et nous disons l'écoute de Dieu. Kusikia Mungu. Est-ce qu'il t'aide à t'émouvoir en Lui? Inakusaidia uogelee ndani ya Mungu. Pas seulement à vivre en Lui. Usiishi tu. Mais à t'émouvoir en Lui. Lakini utembeye tembeye ndani mwake. Voir l'exemple d'un homme dans la Tizama Bible. Tizama mfano ya mtu mmoja katika Biblia. Chapitre 16, Actes des Apôtres. Matendo ya Mitume 16. Verset 5 à 10. 5 hadi 10. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia hiyo Biblia inasema. Les églises se fortifiaient dans la foi. Kanisa lilijitia nguvu katika imani. Et augmentaient en nombre de jours. Na ziliongezeka kila siku kwa watu katika watu. Et puis voyez le verset 6. Sita. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu alipowazuiza. D'annoncer la parole dans l'Asie. Wasihubiri katika Asia. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Wakapita kwa mji wa Phrygie na nchi zingine. Arrivés près de la Mysie. Walipofika pembeni ya Mysie. Ils se disposaient à entrer en Bithynie. Wakaingia katika Bithynie. Mais l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Roho wa Kristo haukuwaruhusu. Ils franchirent alors la Mysie. Wakaitoka Mysie. Et descendirent à Troas. Na wakakwenda kwa mji wa Troas. Pendant la nuit. Usiku. Paul eut une vision. Paulo kapata maono. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Mukaji wa Macedone alifika na kumwambia. Passe en Macédoine, secours-nous. Kuja kwa Macedonia utusaidie. Après cette vision de Paul, kisha maono hiyo ya Paulo, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Tukatafuta kwenda mara moja kwa Macedonia. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Tukelewa kwamba Bwana anatuita kwamba tuhubiri injili huko. On commence d'abord par nous montrer l'impact de tout ce que Paul est en train de faire. Wanaanza kutuonesha matokeo ya yote ambayo Petro au travers du ministère de Paul, kupitia huduma yake, les églises s'accroissent, makanisa zikakomaa, des vies sont sauvées, watu wanaokolewa, les gens viennent à Christ, watu wanakuja kwa Kristo. Et puis Paul veut continuer la même chose. Paulo anatamani kuendelesha mambo yale. Il s'est fait un plan, akapanga pour aller dans l'Asie du centre, ya kuenda kwa ngambo za Asia ya kati. Mais pendant qu'il prend ces plans-là, anapokamata mpango huo, la Bible dit, Biblia inasema, le Saint-Esprit l'interdit d'aller prêcher. Roho Mtakatifu akamkataza kwenda ubiri. Le Saint-Esprit l'interdit d'aller prêcher. Roho Mtakatifu akamwambia usiende ubiri. Ba aller prêcher. Hapana kwenda fanya zambi. Aller prêcher. Kwenda kuhubiri injili. Non, nous croyons que parce que c'est prêcher, il faut seulement y aller. Sisi tunazaniaka kwamba juu ni jambo la kuhubiri twende twende tu. Mais c'est mouvoir à Dieu, en Dieu. Unapoogelea katika Mungu. C'est dépendre de lui-même dans les bonnes choses que je fais pour lui. Dépendre de Dieu même dans les bonnes choses que je fais pour lui. Lorsque Dieu refuse ces plans-là, Mungu anapokata mpango ils prennent une autre direction. Anachukua mpango ils veulent mungine. Continuer à aller à un autre endroit. Anatamani kwenda kwa inchi ingine. L'Esprit de Jésus les interdit encore d'aller prier. Roho wa Kristo akamwambia kule nako apana. Mais Seigneur, Bwana, ces âmes-là, ils vont venir à toi. Izo nafsi zitakujia wewe. Plusieurs fois, nous nous préoccupons tellement des âmes que obéir à celui qui est mara le propriétaire des âmes. Na usika na nafsi kuliko kusika na Mungu mwenye hizo nafsi. Il dit non. Anasema apana. Et pendant qu'il dorme la nuit, na wakati analala usiku, il fait une vision. Akapata maono. Il voit un Macédonien. Anaona mkaji wa Macedonia. Qui lui disait, viens secours-nous. Akimwambia kuja utusaidie. Et il conclut que Dieu les attendait en Macédoine. Na akielewa kwamba Mungu anawachunga pa Macedonia. Et frères et sœurs, jusqu'à ce niveau ici, mpaka hapa, l'évangile n'était qu'en Asie. Injili ilikuwa tu ndani ya Asia. Et partout là où il voulait aller, c'était en Asie. Mahali pote alikuwa amepanga ilikuwa ni katika Asia. Mais Dieu leur refuse de continuer à prêcher l'évangile en Asie. Mungu akawakataza kuendelea kuhubiri kwenye Asia. Il les conduit en Macédoine. Akiwaongoza kwa Macedonia. C'est la première ville par laquelle l'évangile est entré en Europe. Macedonia ni mji wa kwanza wa Ulaya. Donc Dieu a fermé cette porte là. Mungu alifunga hiyo mlango. Pour qu'il ouvre des portails. Ili kwamba afungue malango mengi. Des fois lorsque Dieu ferme une porte sur votre chemin. Mungu anapofunga mlango njiani mwako. Il ouvre toujours des portails. Baadaye anafungula kama lango makubwa. Mais plusieurs personnes watu wengi n'arrivent pas à arriver à la saison des portails. Hawafikieki kwa ngazi la kuishi malango. Tellement limité à nous-mêmes. Sababu tunakuwa na mipaka wenyewe. On ne peut pas nous mouvoir en lui. Na tupendi kuogelea ndani mwake. J'aime un homme dans la Bible. Napenda mtu mmoja katika Biblia. Abraham. Abraham. Dans Genèse chapitre 22. Ndani ya Mwanzo 22. Dieu vient voir Abraham. Mungu anakuja ona Abraham. Abraham. Anasema Abraham. Donne-moi ton fils. Nipe mwanao. Ton unique. Mmoja uliye naye. Isaka. Celui que tu aimes. Yeye ambaye unapenda. Et si vous lisez la Bible, na ukisoma Biblia, vous allez voir avant que Dieu lui demande d'offrir Isaac. Kabla Mungu amuombe kumtolea Isaka. Dans le chapitre 22 de Genèse. Kwa sura ya 22. Il s'est d'abord rassuré qu'Ismaël avait déjà été chassé dans le chapitre 21. Mungu alihakikisha kwamba Ismaeli amefukuzwa. Imaginez-vous que Dieu lui demande d'offrir Isaac alors qu'Ismaël est encore. Kama Mungu angemuloma Isaka na Ismaël iko hapo. C'est très facile. Ni rahisi. Isaac? Isaka. Tu le veux quand? Maintenant là? Wamuhitaji saizi? Parce que je sais qu'Ismaël est encore là. Najua Ismaël iko hapo. Chapitre 21, chasse Ismaël. Kwa sura ya 21, donne-moi alors Isaac. Fukuza Ismaël, nipatie Isaka. C'est ce que Dieu a toujours fait. Ni hivyo Mungu anafanyaga. Toutes les fois lorsque Dieu veut nous apprendre à bien nous confier en lui. Wakati Mungu anatamani kujifuta, tujue kujitoa kwake. Il commence d'abord par briser toutes les béquilles sur lesquelles on peut s'appuyer. Ananzaka vunja yote ambayo tunakuwa tukishikamania. Afin qu'on ne reste qu'avec lui seul comme appui. Ili kwamba tubaki na yeye mwenyewe kama et qu'on apprenne à dépendre de lui et de tujifunze kulingana na yeye tu. Chasse Ismaël. Fukuza Ismaeli. Donne-moi alors Isaac. Nipatie Isaka. Et Abraham obéit. Na Abraham akati. Et il va avec Isaac à la montagne. Na nakwenda na Isaka kwenye mlima. Isaac est en train de lui demander. Isaka kuna muuliza. Mais papa. Baba. Je vois le feu. Naona moto. Je vois le couteau. Naona kisu. Mais où est l'agneau? Lakini kondoo ni wapi? C'est très dangereux lorsque l'offrande commence à vous parler. Ni hatari wakati sadaka inaanza ongea. Il dit Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Akamwambia Mungu mwenyewe atajipatia sadaka. Il arrive à la montagne. Wanafika mlimani. Lorsqu'il veut tuer son propre fils. Anapotamani kuwa mwanaye. Dieu lui dit, Mungu anamwambia, ne le tue pas. Usimue. Frère, c'est très dangereux d'arriver au sommet de la montagne et tu cesses d'écouter le Dieu qui t'a parlé au bas de la montagne. Ni hatari wakati unafika juu ya mlima na unaacha kusikia yule Mungu ambaye aliongea na wewe chini ya mlima. Plusieurs personnes sont arrivées à tuer leur Isaac. Watu wengi wameua wa Isaka wao. Alors que Dieu ne voulait même pas la mort d'Isaac. Ijapokuwa Mungu akupenda Isaka kufa. Parce que lorsqu'ils arrivent au sommet de la sababu montagne, wanapokuwa kwenye mlima, ils cessent de se mouvoir au Dieu qui leur a parlé au bas de la montagne. Wanaacha kuogelea ndani ya Mungu ambaye aliongea na wao. Le Dieu qui te demande d'offrir Isaac au bas de la montagne. Mungu anayekuomba utoe Isaac chini ya mlima. Il peut te demander de ne pas le tuer sur la montagne. Anaweza kukuomba usimuue juu ya mlima. Dieu n'est pas à la recherche de la mort d'Isaac. Mungu haiko natafuta tu kifo ya Isaac. Dieu est simplement en train de tester le cœur d'Abraham. Mungu anachunguza moyo wa Ibrahim. Pour savoir qui est-ce qu'Abraham aime le plus. Ili kwamba ajue nani Ibrahim anapenda zaidi. Est-ce qu'il aime moi le donateur d'Isaac? Ananipenda mimi ninayepana Isaac. Ou il aime le don Isaac que je lui ai donné. Ama anapenda msaada Isaac ambao nilimpa. Mais plusieurs fois, mara nyingi, on arrive au sommet de la montagne, tunapofika juu ya mlima, on cesse de nous mouvoir en Dieu. Tunaacha kuogelea katika Mungu. Et on fait des dégâts. Na tunafanya mambo mabaya. Matthieu chapitre 2. Matayo 2. La Bible dit Christ naît. Christo amezaliwa. Et il y a des manges qui viennent de l'Orient. Wamajusi wanakuja. Les manges viennent de magharibi. L'Orient, conduits par l'étoile. Wanatoka magharibi, wanakuja wakiongozwa na nyota. Ils sont en train de suivre l'étoile. Wanafuata nyota. Ils sont guidés par l'étoile. Wanaelekezwa na nyota. L'étoile les amène vers le roi. Nyota inawaleta kwa mfalme. Ils viennent voir le roi. Wanamuona mfalme. Mais lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, pa Yerusalema, ils se disent avec leur tête, wanajiambia na akili yao, que le roi, mfalme, il est à Jérusalem. Iko pa Yerusalem. Et ils vont voir le roi Hérode. Wakakwenda kumuona mfalme. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mfalme wa Wayahudi ambaye amezaliwa iko wapi? Tulikuwa la Noria et nous sommes venus pour l'adorer. Tulikuwa magharibi tukaona amezaliwa tunakuja mwabudu. Donc il y a un autre roi qui vient de naître. Mfalme akasema pana mwingine mfalme amezaliwa. Et vous vous joignez même à lui? Na nyinyi mnakuja kuungana naye. Allez chercher là où il se trouve et puis revenez me le dire. Mwende mtafute mahali iko na muje mkaniambie. Pour que j'aille l'adorer. Ili kwamba niende kumwabudu. Mais l'objectif c'était pas l'adorer. Lengo ilikuwa kumwabudu. Il a même ordonné qu'on tue tous les enfants. Aliamurisha wao watoto wote wadogo. À cause de quoi? Sababu ya nini? Seulement parce que lorsque les gens arrivent à Jérusalem. Sababu watu wanapofika Yerusalema. Ils se disent avec leur tête. Wanajiambia ndani ya kichwa vyao. Que le roi est à Jérusalem. Mfalme iko Yerusalemu. Il ne dépend de plus de l'étoile. Awaulize. Alors que l'étoile ne le conduisait pas vers le roi qui était à Jérusalem. Nyota haikuwaongoza kwa mfalme aliye Yerusalemu. Mais vers le roi de rois qui était à Bethléem. Lakini mfalme wa wafalme aliye Bethléem. Mais tourne de l'étoile. Sababu hawakuangalia nyota. Ils ne veulent pas se mouvoir en Dieu. Hawapendi kuogelea ndani ya Mungu. Wakafanya makosa. Combien de gens sont arrivés à rater leur saison? Watu ngapi wamepoteza majira yao? Parce qu'ils ne veulent pas être dirigés par Dieu. Sababu hawapendi kuongozwa na Mungu. Dieu te conduit vers quelqu'un? Mungu anakuongoza kwa mtu. Lui là. Na huyo. Na lui. Unajiambia huyo? Hapana. Savez, nous avons des fois des idées, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mawazo yetu si mawazo ya Mungu mara nyingi. Peut-être dire Dieu va passer par ici. Waweza kujiambia Mungu atapitia hapa. Ah, ok, il entre par là. Ijapokuwa anapitia kumgongo. C'est l'écoute de Dieu kujua kumsikia Mungu qui nous aide à nous mouvoir en Dieu. Ndio inatusaidia tuogelee ndani ya Mungu. La cinquième raison pour laquelle c'est pour nous important de développer l'écoute de Dieu. Sababu ya tano inayofanya kwamba ni muhimu tujue kumsikia Mungu. Pour vivre le ciel ouvert. Ili kwamba tuishi mbingu iliyofunguliwa. Ça c'est surtout pour les parents. Zaidi wazazi. Mais comme nous sommes avec les jeunes aussi pour les futurs parents, sababu tuko na vijana vile vile kwa wale wazazi wa kesho, ça pourra vraiment nous aider. Itatusaidia. Genèse chapitre 25, Mwanzo 25, versets 22 à 23. 22 à 23. Genèse 25, Mwanzo 25, 22 à 23. 22 à 23. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Sikia Biblia nasema. On peut commencer à 21. Tunaanze 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus petit et le plus grand sera assujetti au plus petit. Rebecca est stérile. Rebecca nitasa. Isaac arrive à prier pour elle. Isaac amemombea. Elle devient enceinte. Na amechukua mimba. Mais pendant qu'elle devient enceinte, anapokuwa na mimba, elle a des perturbations de grossesse. Kuna tu mimba yake inasumbua. Ces choses l'amènent à se lamenter. Hiyo mimba inamsukuma kuanza kulalamika. Ces choses l'amènent à pleurer. Kuanza lia. Ces choses l'amènent même à se dire, pourquoi suis-je enceinte? Mimba inamsukuma kusema kwa nini nimebeba hii mimba. Ça fait plusieurs fois dans la vie. Mara nyingi maishani. Nous nous lamentons de ce que nous sommes en train de vivre. Tunaombolezaka juu ya yale ambayo tunaishi. Juste parce que nous ne sommes pas encore partis chercher Dieu. Sababu hatujakwenda kumtafuta Mungu. Dieu nous donne sa perspective de ces choses qui nous tourmentent. Ili kwamba atupatie mtazamo wake wa mambo inayotusumbua. Aussi longtemps qu'elle n'a pas cherché Dieu. Kabla alikuwa elle était en train de se lamenter. Alikuwa na lia lia. Mais la Bible dit. Biblia inasema. Un moment. Siku moja. Elle choisit d'abandonner tout ce qui était raison de ses lamentations. Akaacha hiyo maombolezo yote. Elle va consulter l'Éternel. Akaenda kuongea na Mungu, kuomba Mungu. Consulter l'Éternel. Kuomba Mungu. J'aime ce verbe consulter l'Éternel. Kwenda kuomba Mungu. Ça c'est un terme médical. Hiyo ni neno la kimatibabu. Consulter. Kwenda kumtazama Mungu. Et vous êtes déjà arrivé d'aller consulter un médecin? Imekufikia kwenda kutazama mganga. Tout ce que le médecin vous dit. Yote ambayo mganga anakuambia. Même si c'est faux, vous allez croire. Hata kama ni uongo utaamini. Même si un médecin vous donne le poison. Hata kama mganga anakupa sumu. Vous allez prendre le poison en étant vraiment rassuré que vous êtes en train de prendre le poison. Utakunywa sumu na naamini kama niko nachukua dawa. Et vous allez soupçonner tout le monde sauf lui. Na unaweza kuwazia wengine wote walikupatia parce que derrière la consultation maana nyuma ya kutazama se cache la confiance kuna kuwa kuaminia. Elle va consulter l'Éternel. Anakwenda kumtazamia Mungu. Elle fait confiance en ce Dieu là. Anaamini huyo Mungu. Tout ce que Dieu lui dira yote ambayo Mungu elle marchera par rapport à ça. Atatembea kulingana na hiyo. Lorsqu'elle va consulter l'Éternel anapokwenda kumtazama Mungu écoutez ce que Dieu est en train de lui dire. Sikia hiyo Mungu anamwambia. Deux nations taifa mbili sont dans ton ventre. Ziko tumboni mwako. Pas deux enfants. Apana watoto wawili. Deux nations. Taifa mbili. C'est très dangereux de croire que vous portez des enfants alors que vous portez des nations. Ni hatari kuwazia kwamba unabeba watoto japokuwa unabeba mataifa. Parce que la façon dans laquelle on éduque une nation et la façon dans laquelle on éduque un enfant c'est différent. Namna unaweza kuadibisha mtoto ni tofauti na namna unaweza kuadibisha taifa. Plusieurs parents, wazazi wengi, ont fait avorter leurs enfants de destinée des nations. Wamefanya kwamba watoto wao wapoteze hatima za mataifa. Parce qu'ils croyaient porter des enfants alors qu'ils portaient des nations. Sababu walizani kwamba wanabeba watoto ijapokuwa wanabeba mataifa. Frères et sœurs, en tant que parents, votre responsabilité n'est pas que de donner naissance aux enfants. Wewe kama vile mzazi jukumu lako si kumzaa mtoto. Votre responsabilité aussi, jukumu lako pia, c'est orienter ces enfants par rapport à là où Dieu les attend. Ni kuelekeza wale watoto kulingana na hatima Mungu amewapatia. Parce que chaque enfant que Dieu vous a donné, kila mtoto ambaye Mungu amekupa, c'est une destinée que Dieu a envoyé sur la terre pour une mission. Ni hatima ambayo Mungu ameshtia duniani kwa ajili ya kazi fulani. Mais comment vous allez aider vos enfants jusque là où Dieu les attend? Namna gani mutelekeza alors que vous ne connaissez même pas ce que Dieu a comme projet sur ses enfants? Namna gani utafikisha watoto kwa hatima yao kama au jua mpango Mungu alionao juu yao? Alors que vous n'avez même pas développé l'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu ne vous aide pas à vous simplement. Ça vous permet d'aider même vos enfants ou les gens que Dieu place sur votre vie. Un jour, je suis quelque part. Il y avait beaucoup de gens. Mais je vois une maman qui était à côté de moi. Et pendant que je suis là, Dieu commence à me dire des choses sur l'enfant. Et me dit, c'est un enfant qui a une très grande destinée. Dieu se servira de cet enfant pour apporter la délivrance de toute sa famille. Et puis je demande à la maman. Maman. Comment se porte votre enfant? Abari ya mtoto wako. Elle dit, ah vraiment, moi je ne sais pas. Sijue kabisa. Cet enfant ici, uyu mtoto, il n'a que quelques mois. Iko tu na miezi kidogo. Quelques mois. Miezi kidogo. Mais là où il est là, lakini kwenye iko, ça fait 5 fois qu'il a été empoisonné. Inakuwa mara 5 alishapata sumu. 5 fois qu'il a été empoisonné. Mara 5 amepata sumu. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de vous poser la question? Haujawahi kujiuliza. Comment on peut empoisonner un bébé? Namna gani unaweza kumpatia sumu mtoto? Vous voyez un bébé qui n'a rien. Wewe unaona mtoto asiyekuwa na kitu. Oh, d'ailleurs il n'a rien. Ana kitu hata. Oh, c'est encore un bébé. Ni mtoto tu mdogo. Dans le monde des ténèbres, on ne se trompe pas de cible. Ndani ulimwengu wa giza hawapitake kando. Mais plusieurs parents, wazazi wengi, ils sont tellement distraits wanazuba, parce qu'ils n'ont pas appris à développer le compte de Dieu sur leurs enfants Mungu, et le diable est en train d'agir. Na shetani ako natenda. 5 fois empoisonné. Maratano alipewa sumu. Un bébé qui n'a même pas 6 mois. Mtoto asiyekuwa na miezi 6. Et vous êtes là ignorant. Na wewe unakuwa hapo ukizuba zuba. L'écoute de Dieu kusikia Mungu vous aide à aider même les enfants que Dieu vous donne. Itakusaidia kusaidia watoto ambao Mungu amekupa. Vos enfants lorsqu'ils sont encore, surtout lorsqu'ils sont encore trop petits. Watoto wenu wakati wangali watoto wachanga. Ils ne dépendent pas d'eux-mêmes spirituellement. Kiroho hawana jukumu lao mikononi. Ils dépendent de vous. Ni nyinyi viongozi wao. Et le diable pour les avoir. Na shetani likwamba waguse. Des fois, il faudra qu'il vous aveugle. Anawapigaka upofu. Deux nations taifa mbili sont dans ton ventre. Ziko ndani ya tumbo lako. Pas deux enfants. Hapana watoto wawili. Deux nations taifa mbili. Il y a même des parents. Kuna wazazi. Par amour pour leurs enfants. Juu ya upendo walio nayo juu ya watoto yao. Ils ont détourné leurs enfants de là où Dieu les attend. Wamepitisha kando watoto wao kutoka hatima yao. Vous vous souvenez de Ruben? Unakumbuka Ruben? Ruben aimait tellement Joseph. Rubeni alipenda sana Yusufu. Il dit à Joseph. Akambia Yusufu. Voilà. Mimi. Je vais te ramener chez ton père. Na kurudisha kwa baba. Alors que Dieu dit, je pokuwa Mungu anasema, ce n'est plus le temps où tu dois être avec ton père. Haiko muda ya wewe kuwa na babaye. Tu dois aller vers un autre niveau. Wende kwa ngazi mpya. Mais lui il veut le ramener là-bas. Lakini natamani amrudishe tena. Par amour pour son frère. Juu ya upendo alionayo juu ya ndugu yake. Et par amour pour nos enfants. Juu ya upendo ya watoto wetu. On peut les détourner de là où Dieu les a. Tunaweza kuwapitisha kando ya njia ya Mungu. Juste parce qu'on n'a pas appris à développer l'écoute. Sababu hatukujifunza kusikiliza Mungu. La sixième raison, sababu la sita, et c'est là où nous allons nous arrêter ce soir à cause de notre leo, temps. Tunaweza kusimamia hapo. L'écoute de Dieu kusikiliza Mungu nous aide à découvrir les objectifs de Dieu kuna tusaidia kugundua lengo za Mungu derrière les changements de saison. Nyuma ya mabadiliko ya majira. L'écoute de Dieu kusikiliza Mungu nous aide à découvrir les objectifs de Dieu kuna tusaidia kujua lengo za Mungu derrière les changements de saison. Wakati majira yanabadilika. Ça c'est très important. Ni ya muhimu. Parce que toutes les fois que Dieu change de saison, wakati Mungu anabadili majira, toutes les fois que Dieu nous bénit, wakati Mungu anatubariki, il y a toujours des objectifs de Dieu derrière les bénédictions de kuna kwaka lengo za Mungu nyuma ya hizo baraka. Il y a toujours des objectifs de Dieu derrière les bénédictions. Kuna lengo za Mungu nyuma ya baraka. Alors lorsque vous ne connaissez pas les objectifs de Dieu derrière les bénédictions, wakati aujue lengo za Mungu zilizo nyuma ya baraka uliopata, vous allez mal gérer le bénédiction de Dieu. Utalinda vibaya baraka hizo. Même toutes les fois que Dieu change de saison, Kila mara Mungu anapobadili majira. Il ne les change jamais sans objectif. Aibadili shaki pasipo lengo. Et c'est l'écoute de Dieu. Na ni kujua kusikiliza qui Mungu. Qui te permet à savoir? Dieu t'akusaidia kujua. C'est que Dieu a comme objectif. Kile ambacho Mungu ana lengo. Derrière les changements de saison. Nyuma ya mabadiliko ya majira. Frère, tu crois que Dieu t'a donné un travail? Unazana kama Mungu anakupa kazi. C'est simplement pour que tu nourrisses ta famille. Ili kwamba ulishe jamaa yako. Juste ça. Iyo tu. Juste ça. Iotu. Dieu a des objectifs derrière tout ce qu'il nous donne comme bénédiction. Mungu ana malengo nyuma ya yote ambayo anatupa kama baraka. Lisons un passage de la Bible. Tusome verse moja. Un passage merveilleux. Verse nzuri. Matthieu 17, 24 à 27. Matayo 17, 24 à 27. Matthieu 17, 24 à 27. Matthieu 17, 24 à 27. La parole de Dieu déclare, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient le 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas le 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, qu'est ensemble Simon? Le roi de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Il y a un problème. Kuna shida. Le problème, c'est qu'il faut payer l'impôt. Shida ni kwamba unapaswa lipa kodi. Parce qu'il y avait l'impôt que chaque adulte devrait payer pour le temps. Palikuwa kodi ya kila mtu aliyekomaa. Et ils sont nombre de deux. Na ni wawili. Il y a Pierre, il y a Jésus. Kuna Petro na Yesu. Tous ont besoin de payer l'impôt. Wote wanapaswa lipa kodi. Et l'impôt que chacun devrait payer. Na kodi ambayo kila mtu ilibidi alipe. Deux drachmes. Ilikuwa ni vikoroto viwili. Deux drachmes. Vikoroto mbili. Jésus deux drachmes. Vikoroto mbili. Et Pierre deux drachmes. Vikoroto mbili ya Yesu na mbili ya Petro. Na yomda. Dans la monnaie. Dania mambo ya pesa. Il y avait ce qu'on appelait un drachme. Kulikuwa hiyo wanaita drash. Mais à part le drachme, drachme, il y avait ce qu'on appelait les 10 drachmes. Kuna iyo walikuwa naita 10 drachmes. Un 10 drachmes, c'était 2 drachmes. 10 drachmes, ilikuwa drachmes 2. Souvenez-vous, ils ont besoin de 4 drachmes. Wanahitaji drachmes 4. Donc, 2 10 drachmes. Inamaanisha 10 drachmes. Et puis, à part les 10 drachmes, nyuma ya iyo 10 drachmes, il y avait ce qu'on appelait les stataires. Kuna iyo waliita stataires. Un stataire, c'était 2 10 drachmes. Stataire moja ilikuwa 10 drachmes 2. Deux drachmes, drachmes qui correspondent à un didrachme. Il a quoi didrachme moja? Et deux didrachmes, didrachmes moja correspondent à un stater. Il a quoi stateri moja? Ils ont besoin de 4 drachmes. Wanahitaji drachmes pour payer l'impôt. Ine, ili kwa mais lorsque Christ parle à Pierre, Christo anapongea na il Petro. Va jeter l'hameçon dans l'eau. Anasema wende utege samaki. Et tu vas trouver un poisson. Et dans le poisson, samaki, il retrouve un stater. Ndani ya samaki anapata stateri moja. Et puis il lui dit, anasema, donne pour toi et pour moi. Ulipe yako na yangu. Il ne lui dit pas, dans le poisson, tu vas retrouver 4 drachmes. Akumwambia ndani ya samaki utakuta drachmes. Parce que le besoin, c'est 4 drachmes. Aja ni drachmes. Ou dans le poisson, ils vont retrouver 2 didrachmes. Ama utakuta didrachmes. Mais il dit, dans le poisson, tu vas retrouver un stater. Anasema utakuta stater, utakuta stateri moja. Et donne pour moi et pour toi. Na ulipe yangu. Frères et sœurs, toutes les fois que Dieu nous bénit, kila mara Mungu anatubariki, il nous donne toujours un stater. Anatupatiaka stater. Au lieu de 4 drachmes ou 2 didrachmes. Drashi ine ama didrashi mbili. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Dans tout ce que Dieu te donnera, ndani ya yote ambayo Mungu anakupa, il y a la part de Dieu et il y a ta part. Kuna sehemu yako na sehemu ya Mungu. Dieu place le tout au même. Mungu anatiaka biote pamoja. Il donne le tout à la fois. Anakupatiaka biote pamoja. Mais ne pas comprendre les objectifs de Dieu derrière les bénédictions. Auelewi lengo za Mungu nyuma ya baraka. Va t'amener à manger et ta part et la part de Jésus. Itakusukuma ukule sehemu yako na sehemu ya Mungu. Terminons avec ce passage. Tumalize na verse hii. Esther chapitre 4, Esteri ine, Verset 4 à 14. Versi 4 hadi 14. Esther 4, 4 à 14. Esther 4 hadi 14. Nous n'allons pas les lire vu le temps. Atutasoma juu ya wakati. Mais Dieu voudrait apporter la délivrance. Mungu anatamani kuleta ufungulivu. À toute la nation juive. Kwa taifa nzima la Wayahudi. Et la délivrance de Dieu na ufungulivu wa Mungu passera par deux personnes que Dieu positionne. Kutapitia watu wawili ambao Mungu anainua. Parce que chaque nouvelle saison, kila majira mapya, se suit toujours d'un nouvel positionnement. Inakuwaka na nafasi mpya ambayo unakuwa. Dieu positionne deux personnes. Mungu anainua watu wawili. Mardoché et Esther. Mordekayo na Esther. Il positionne Mardoché à la porte comme sentinelle. Anaweka Mordekayo kwenye mlango wa ufalme kama zaidi. Et il positionne Esther dans le palais comme reine. Na anaweka Esther malkia ndani ya ufalme. Mais ce n'est pas parce que moi je suis à la porte que je n'ai pas affaire dans le plan de Dieu pour la délivrance. Si kwa sababu niko kwenye mlango ndio sina kazi ya kufanya ndani ya mpango wa Mungu. Et puis un jour il y a un problème. Siku moja kuna shida. La reine est là au palais royal en train de passer des bons moments. Malkia kuna enjoy katika nyumba ya ufalme. Mardoché envoie des gens pour aller lui dire. Mordekai anatuma watu kwenda kumwambia. Tu dois faire quelque chose. Fanya kitu fulani. Rino, ça fait 30 jours que je ne me vois même pas avec mon mari. Inakuwa siku makumi tatu simuone mume wangu mfalme. Eri, ok, si tu refuses d'agir, anamwambia kama utende, ça te regarde. Binakuona. Mais qui sait si ce n'est pas pour de temps comme celui-ci que Dieu t'a placé aujourd'hui? Nani ajue kama ni kwa ajili ya shida kama hizi ndio Mungu alikuweka hapo? Est-ce que tu découvres les objectifs de Dieu derrière les changements de saison? Est-ce que tu découvres les objectifs de Dieu derrière les bénédictions? Nous allons continuer demain. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la prière? Ce soir, j'aimerais faire un appel. Nitafanya mwito. Si tu es là, kama uko hapo, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Hujawahi kupatia Yesu maisha yako. Tu as besoin de donner ta vie à Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Unahitaji kupatia Yesu maisha yako kama Bwana na Mwokozi. Tu es peut-être né dans une famille chrétienne. Umezaliwa ndani ya jamii ya Kikristo. Mais tu n'as jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus. Lakini haujawahi kukutana na Yesu. Tu es fatigué de vivre la vie du péché. Umechoka kuishi ndani ya dhambi. Tu es fatigué de ça. Umechoka na hiyo. Et tu aimerais dire aujourd'hui, je prends la décision de me donner à Jésus. Wahitaji kujitoa wakfu kwa Yesu. Si tu es là, tu vas lever ta main là où tu es. Kama uko hapo unaweza kunyosha mkono wako. Je ne vais pas demander aux gens de fermer leurs yeux. Sitaomba watu wafunge macho. La Bible dit, lorsque vous revenez à Christ, Biblia inasema mnaporudilia Kristo, c'est une joie, c'est une fête, une grande célébration au ciel. Ni sherehe kubwa mbingu. On ne célèbre pas en ayant les yeux fermés. Awasherekea yake wakati mecho inafungwa. Si tu es là, lève ta main, je vais prier. Kama uko hapo nyosha mkono nitakuombea. Tu as besoin de donner ta vie à Christ. Wahitaji kumupa Yesu maisha yako. Tu as besoin de Jésus. Wahitaji Yesu. Tu veux prendre Jésus pour toi. Kumshika Yesu awe wako pekee. Je vois une main levée derrière là-bas. Naona mikono kinyoko. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Tunaweza kumchapia Yesu makofi. Si tu es aussi là, lève ta main. Kama uko hapo nyosha mkono wako. Est-ce que le membre de protocole peut aller prendre ses coordonnées? Protocole mnaweza kwenda mkawaelekeze wale watu. Et l'équipe d'évangélisation va se charger de lui. De l'autre côté là-bas. Uko nyuma uko. J'aimerais qu'on prie ce soir. Tunatamani et qu'on dise à Dieu, Seigneur, développe mon écoute de toi. Nisaidie nijue kukusikia. Développe mon écoute de toi. Komalisha kukusikia. Il y a une autre personne de l'autre côté là-bas. Kuna mwingine mtu kwenye angare uko. Développe mon écoute de toi. Nisaidie nijue kukusikia. Il y a pas de musique, est-ce qu'on peut commencer à parler? Tunaweza kuanza omba Mungu. Ne sois pas distrait, est-ce que tu peux parler à Dieu? Hapana zubaa, anza ongea na Mungu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Waweza anza kuomba Mungu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Waweza kuanza omba. Thank you. Prie le Seigneur, prie, prie, demande à Dieu d'ouvrir tes oreilles. Que Dieu illumine nos yeux, que Dieu illumine nos oreilles spirituelles. Sensibilise mon esprit, Seigneur. Demande à Dieu de te sensibiliser. Seigneur, touche mon esprit, Seigneur. Ouvre mon esprit, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon oreille. Mon oreille intérieure. Je vais t'entendre distinctement. Je vais t'écouter clairement. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Sensibilise mon esprit. Fais-moi grâce ce soir. Je veux me mouvoir dans ta volonté, me mouvoir dans ta puissance, me mouvoir dans ton œuvre, dans ton service. Je ne veux pas être statique. Yahweh, fais-moi grâce.